Vous savez, c'est une explosion de lumière, un cerveau. C'est juste qu'on le voit pas. Si on pouvait, je me rappelle avoir vu un vidéo qui parlait de l'idéalisme au sens de l'immatérialisme de Berkeley et qui disait que le cerveau percevait la lumière alors que lui-même était une masse sombre, ce qui est totalement faux. Ce qu'il n'y avait aucune lumière dans... Non, c'est totalement... Le cerveau n'est pas une masse sombre. C'est un réel feu d'artifice. Si on pouvait devenir transparent puis se regarder dans le noir, on verrait que nous sommes totalement électrifiés et que l'intensité de l'activité cérébrale et puis ce qui longe tout le corps à travers la moelle épinière, on verrait que nous sommes de réels feux d'artifice, des feux de Bengale, mais encore beaucoup plus complexes que ça. Ce serait très intéressant. Mais nous ne sommes pas rendus à pouvoir filmer ça. Ce qui est dommage parce que